je voudrais poser la question. Je pense que je vais être dans le sujet. Je voudrais poser la question depuis un autre lieu et donc revenir un peu en deçà de certaines choses qui ont été avancées pour l'instant. Je pense qu'on a ouvert la séance, Michel Barthélémy, avec la crise de l'idée d'université, de prise à part Alain Caillé, et tout de suite, on a commencé à discuter sur les réformes, les refondations, on a rappelé l'aventure des réformateurs. Tout cela, à mon sens, présuppose que nous pouvons répondre de la crise qui a été évoquée. Et pour moi, c'est la première question dont je voudrais partir. C'est-à-dire un sentiment d'inconfort chaque fois que diagnostiquer la crise, on se met tout de suite à discuter, à élaborer, à échanger autour des réformes, des refondations, de ce qu'on peut faire. L'hypothèse, qui est une hypothèse plutôt fond d'un sentiment de mal-être, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça, pour moi, c'est moins clair que certains propos qui ont été tenus pour l'instant. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'à l'issue de cette intervention, vous pourrez indiquer des pistes, justement. Mon sentiment général est le suivant. Dès que quelqu'un se met à parler d'université, il ou elle est immédiatement pris dans un lexique éthique ou éthico-politique. Et ce lexique-là, dans lequel nous sommes pris, c'est le lexique de la responsabilité. Mais c'est ce qui est par héritage du concept d'université. L'université, ça veut dire un projet. Donc, c'est toujours pris dans un récit de quelques progrès. Quelques noms qu'on donne à ces progrès. Ça peut être le progrès de l'esprit ou le progrès de l'âme à l'époque médiévale, le progrès de la science à l'époque moderne, le progrès dans l'émancipation. L'université est indissociable, donc, depuis toujours, de la question des tâches, des missions et bien entendu des refondations et des incessantes réformes. Il y a donc une co-appartenance essentielle entre l'université et la responsabilité. Donc on ne peut pas parler d'université sans tout de suite s'engager dans les discours, pour ne pas dire la rhétorique de la responsabilité. Mais en même temps, il se trouve aujourd'hui qu'on, c'est le mot indéterminé, on est en train de nous retirer cette responsabilité-là. Pour moi, c'est ça le noyau de la question. C'est-à-dire qu'on est en train de nous ôter cette responsabilité, c'est-à-dire de nous priver de l'exercice de la responsabilité. On peut bien faire des réunions, des colloques et discuter, mais ce n'est pas nous qui décidons. On vient d'entendre par des responsables de la Commission européenne nous apprendre que l'université va disparaître. C'est des cadres qui nous apprennent ça. Et nous continuons ici, entre nous, à parler des réformes, des refondations, etc. Donc là, il y a une question qui m'interpelle, si vous voulez bien m'entendre là-dessus. Donc, tel est le dilemme. Il faut parler de l'université, donc il faut parler de notre responsabilité à l'égard de la responsabilité, mais dans un contexte où on est déresponsabilisé. En partie et en particulier par ce qu'Alain Caillé, si j'ai bien compris, a évoqué sous la forme de l'anonymat, des gouvernances. Bon, que j'ai dit « nous », chaque fois que je vais prononcer le pronom personnel de la personne plurielle, il faut entendre évidemment entre guillemets. Si de moi, des guillemets, c'est des choses qu'on peut entendre. Car je ne sais pas très bien qui ou quel groupe, justement, ce pronom est censé représenter ici. Est-ce que c'est la dite communauté universitaire? Il me semble qu'il n'y en a pas de communauté universitaire en tant que telle. Mais est-ce nous ici? Mais nous ne nous connaissons pas, je ne sais pas qui sommes-nous. Donc ce problème de l'indétermination de nous est au cœur de la question de la responsabilité que je voudrais évoquer. Autrement dit, c'est difficile de désigner un sujet de la responsabilité. Le leitmotiv de la responsabilité est donc récurrent. Dès qu'on se met à parler d'université, et je pourrais multiplier des exemples, mais je voudrais juste en évoquer un, parce qu'il a fait date, c'est l'exemple de Jacques Derrida à l'Université de Columbia, lors de la commémoration du 100e anniversaire de cette université, donc en 1981, l'université elle-même largement humboldtienne. Dans les propos de Derrida, il suggère qu'il y a 34 ans, il suggère que la structure technopolitique économique du savoir vient de ruiner l'axiomatique du discours éthico-politique de la responsabilité. Donc, quelque chose qui a ébranlé les structures même de ces lieux de production et de transmission d'université qui fait que nous sommes déresponsabilisés, que la responsabilité nous échappe. Mais si cette hypothèse est bonne, alors tout de suite, qu'est-ce que nous faisons ici, au fond, au point de vue de cette hypothèse? Évidemment, il y a une différence majeure entre ces 34 ans, mais cette différence, à mon avis, va dans le sens de l'aggravation de ce dont il parlait. Les années 80 sont une décennie avant une date emblématique qui est 1989, qui, outre la chute du pays de l'Est et du mur de Berlin, marque aussi, bien scellé aussi, le triomphe du libéralisme. C'est aussi quelque chose, les années 80, qui sont encore une bonne décennie avant la mise en place d'Internet et de son explosion. Et c'est seulement 20 ans après ces propos, cette question de Derrida, qu'on va assister au coup d'envoi du processus de Bologne par les conseils des ministres européens. Or, à l'égard donc de cette question, on sait que la responsabilité, bon, chacun sait, veut dire pouvoir répondre de quelque chose et de répondre à ou devant une instance quelconque. Par exemple, c'est comme a pu être le cas jadis, répondre de l'organisation des savoirs dans l'université devant un projet moderne d'émancipation de l'humanité. Ces dispositifs-là, c'est justement cela qui s'effrite pour nous. Mais ne pas être en mesure d'articuler une problématique de la responsabilité, et notamment de la responsabilité collective, je reviens sur ces mots, cela, me semble-t-il, est le signe le plus indiscutable de la faillite de l'université. Nous serions nous-mêmes l'incarnation de la faillite de l'université. D'autant plus que ce concept est indissociable de la responsabilité à l'égard du savoir, à l'égard de la pensée, de la formation, de la société, de la destination, de l'histoire et de l'avenir. Si, cependant, c'est l'hypothèse ultime que je voudrais vous soumettre ici, si cependant, responsabilité il y a encore, si cela a encore un sens, si cela a encore une valeur. Je veux dire que si le sens de la responsabilité continue encore à résonner en nous, ne serait-ce que dans les signaux affectifs d'un mal-être, si cela persiste, donc à nous appeler ou à nous interpeller, alors il faut reprendre notre responsabilité, comme on dit, mais pour la réélaborer tout autrement, de fond en comble. Ici, je voudrais essayer de désigner une responsabilité ultime, minimale. Une responsabilité à l'égard de ce qui se trouve aujourd'hui, c'est la façon dont je vais désigner pour commencer, à l'égard de ce qui se trouve dans l'envers du discours universitaire. Une responsabilité donc envers l'envers de l'université, telle que celle-ci se déploie et s'éteint mondialement désormais. Je voudrais donc repartir très brièvement de la détermination du principe d'université. Et là, je vais faire un petit détour qui, j'espère, va être utile, si j'ose dire, c'est-à-dire un petit détour par Kant. Kant, comme on sait, c'est le premier grand philosophe moderne à être fonctionnaire de l'université. Et déjà, le premier théoricien, donc forcément, le premier réformateur ou refondateur savant, responsable, moderne de l'université. Le tout de ces projets, cette première réforme, un peu, évidemment, tournée un peu autrement, hein, qui est le charabia de nos cadres décideurs, le texte qui condense cette réforme, c'est le conflit des facultés de 1798. C'est de ce texte que je tiens mon concept, ou plutôt cette idée d'un principe d'université. C'est une idée, et là je dois faire un rappel très bref, une idée au sens kantien est justement ce qui excède les limites de notre expérience. Et donc, c'est quelque chose dont on ne peut pas présenter un cas ou un exemple, ni en faire connaissance. Mais on peut la penser. Et on peut présenter éventuellement, mais la présenter seulement de façon indirecte, au moyen des symboles ou des analogies. On devine déjà un rapport étroit entre l'idée et l'art. Mais si l'idée n'a pas de fonction cognitive, elle a cependant une fonction régulatrice, qui est la plus haute fonction, elle est du plus haut intérêt du Kant, parce que c'est un intérêt pratique, au sens de la pratique morale. C'est-à-dire qu'il nous faut une idée pour guider l'action, et en particulier l'action en matière éthique et politique. Nous y voilà. Y compris en matière, évidemment, des pratiques critiques. Donc, l'idée a un rapport essentiel à la question de la responsabilité. Par exemple, l'idée éminente entre toutes, c'est l'idée de liberté. Mais les justes, c'est une idée, l'humanité, c'est une idée, les fins ultimes, l'infini, ce sont des idées et non pas des concepts de l'entendement. Et l'université aussi, au sens où je prends les termes ici, est une idée. Donc il n'est pas question de venir dire, comme il m'est arrivé d'entendre lors d'autres discussions, qu'on voit bien que l'université telle qu'elle est n'est pas cette université que vous décrivez lorsque vous parlez de l'idée de l'université. Mais bien entendu. Mais je ne peux critiquer l'idée telle qu'elle est parce que justement je suis nanti d'une idée de l'université. Quand il dit ce genre d'objection qui revient à balancer les faits, la factualité pour disqualifier une idée, on ne peut plus misérable et honteux. Et ça, quand il dit ça, dans la critique de la raison pure, au sujet justement de l'idée d'une constitution publique, républicaine, juste. Et les gens viennent dire, non mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais quand il défend donc l'idée pour montrer que même les critiques de la réalité, on ne peut le faire que si on n'est pas réductible, réduit à la réalité et qu'on peut donc avoir du recul qui nous donne l'idée. Bon, l'idée de principe d'université pose qu'il n'y a pas d'université sans une référence première, constitutive, à un pouvoir de juger et de penser librement. C'est ce qu'on appelle autonomie, c'est-à-dire que la pensée se donne à elle-même sa propre loi. Remarquons au passage, car je voudrais revenir un peu plus tard, si j'ai le temps, que les principes d'autonomie de la pensée est la condition des possibilités du déploiement des techniques d'existence ou des arts réfléchis d'existence, c'est-à-dire des techniques pour apprendre à savoir vivre, qui visent justement à faire de la vie d'un sujet une vie aussi libre que possible. Par exemple, la thèse stoïcienne, la thèse épicurienne, que Kant reprend, ne sont possibles que sous fond de cette autonomie de la pensée. Mais le problème de Kant, dans les textes que je viens d'évoquer, dans le conflit des facultés, est déjà celui de l'institution matérielle empirique qui est traversée constitutivement, on pourrait dire transcendantalement, par des conflits, des strides, des discordes, voire des différends. C'est ce qui dit le titre « Conflit des facultés ». Et face au conflit, Kant essaie de prendre ses responsabilités. Des conflits avec les dehors, les dedans de l'université opposés aux dehors, mais aussi des conflits intestins, c'est-à-dire des conflits entre les facultés, voire à l'intérieur des facultés. Ce qui, exprimé dans un langage cru, c'est-à-dire réaliste, se traduit dans l'expérience par les rivalités, la concurrence, les coups fourrés, les rancœurs, bref, les points quotidiens de l'universitaire. Cette menace des conflits, sont différentes figures, elle est constitutive de l'université, mais elle menace la vocation originaire déclarée de l'universitas, qui, comme le nom indique, est de tendre vers l'un, vers le un, vers l'universel, vers l'unité. Les pivots de la refondation que Kant essaie de faire, qui revient à instituer un cadre légitime pour une université républicaine où on va pouvoir régler les conflits avec l'extérieur, avec le dedans, les pivots de cette refondation est justement l'idée d'autonomie qu'il s'agit de rappeler dans l'ouvrage et qui est, j'insiste, condition de toute université digne de ce nom. Or, dans le contexte de l'expérience historique, politique, où Kant intervient, l'autonomie est paradoxalement conférée de l'extérieur. C'est-à-dire que l'autonomie est autorisée par le pouvoir gouvernemental. Car l'université, depuis toujours, est un appareil, et je dirais même un appareil idéologique de quelques autorités supérieures, comme le montrent les historiens. À l'époque de Kant, c'est un appareil d'État, l'université, après avoir été pendant longtemps un appareil de l'Église. Et le passage d'un maître à l'autre, de l'Église à l'État, s'est fait particulièrement, historiquement, comme on sait, par l'alliance de l'université avec les savoirs scientifiques, notamment celui qui émerge avec Galilée. Bon, de là, les projets de Kant, et si on peut dire, sont une stratégie que d'aucuns ont trouvé tordue ou tortueuse, Schelling par exemple. Il s'agit de refonder l'université, mais peut-être que toutes les refondations sont tordues ou tortueuses. Il s'agit de refonder l'université sous la base d'une autonomie sans concession, inconditionnelle, certes, mais circonscrite à un territoire particulier. Donc, négociation, concession, pour obtenir cette autonomie fondatrice de l'université. Ces territoires pouvant et devant, selon Kant, ce territoire peut, lui, mais lui seul, disposer absolument de la liberté de juger et de penser, de façon absolument désintéressée, donc selon la vocation ou la responsabilité devant l'autonomie, devant l'universalité de la pensée, c'est-à-dire tout simplement devant l'université. On sait que ce territoire particulier, jouissant de ses privilèges de liberté absolue, est appelé, selon l'usage de Kant, c'est-à-dire pas selon la raison, il est appelé faculté inférieure. Et la faculté inférieure est nommée faculté de philosophie. Mais suivant l'acception de l'époque, c'est-à-dire au fond, cela désigne l'héritage des arts libéraux du Moyen-Âge. Donc il y aura les mathématiques pures, il y aura l'histoire et la géographie, il y aura la grammaire, la philosophie pure aussi, la philologie scientifique. Bon, tout cela regroupé sous le nom des facultés inférieures. En face, ou plutôt au-dessus, il y a les facultés supérieures, c'est-à-dire celles de théologie, des droits et des médecines. Supérieures simplement parce qu'elles sont plus près du gouvernement, explique Kant, alors qu'elles demeurent inférieures quant à ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'autonomie de la raison, la liberté, la vérité, et on pourrait ajouter la responsabilité. Car les facultés supérieures ont pour mission une formation professionnalisante, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle doit former des prêtres, des magistrats et des médecins, lesquels, dans la mesure où ils doivent agir sur le public, sont considérés comme des instruments du pouvoir gouvernemental. À mon avis, là, il y a un schéma fort intéressant pour éclairer les débats d'aujourd'hui. Je poursuis les raisonnements kantiens. Donc, si les professionnels, prêtres, juristes et médecins sont des instruments de pouvoir, puisqu'ils agissent directement sur le public, ils sont les moyens par lesquels le pouvoir lui-même agit sur le peuple. C'est ça qui est intéressant comme professionnalisant pour le pouvoir. Et là, on voit qu'est-ce que c'est qu'un appareil d'État, qu'est-ce que c'est que l'université comme appareil d'État. Les facultés supérieures sont par conséquent soumises à la surveillance et au contrôle strict de l'État, direct et strict de l'État. Or, tel n'est pas le cas de la faculté inférieure, celle dite de la philosophie. Et c'est bien autour de cette dissymétrie, de cette particularité, que Kant va bâtir son argument. C'est-à-dire que l'inférieur, parce qu'il est inférieur, c'est-à-dire à l'abri de l'hétérogénéité du pouvoir, qu'il devienne le fondement. Que le dernier, dit Kant, que le dernier devienne le premier. Qu'un territoire particulier du savoir, parce qu'il n'est pas soumis à la législation du pouvoir, n'a ni à aucune autre, mais soumis seulement à la législation qui tire de lui-même, c'est-à-dire de la pure raison, c'est-à-dire de son autonomie, eh bien, pour cela, il se découvre comme la condition inconditionnée de l'autonomie de l'université tout court, c'est-à-dire le fondement de l'université tout entière. C'est ces statuts de pure autonomie, de puissance libre et de jugement, conforme au principe de la pensée en général, précise Kant, c'est cela qui fera que c'est de ces territoires particuliers un tribunal légitime auprès duquel tous les conflits universitaires devraient pouvoir être traités comme dans un prétoire. Et Kant va s'attacher à distinguer des conflits illégaux et des conflits légaux. Les conflits légaux, c'est ceux qui sont passibles d'argumentation. Les conflits illégaux sont ceux qui ont trait à l'opinion, aux influences, aux manipulations, etc. On remarquera que ces territoires particuliers, inférieurs mais fondateurs, reconnus comme l'essence de l'université, il est analogue Et dans le champ qu'il s'y conscrit et dans son essentialité, il est analogue à ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités. À ceci près que deux siècles nous séparent du conflit des facultés des cartes et qui nous interdisent donc, dans le sens, tout retour à cartes. C'est, j'en retiens deux traits différentiels les plus gros de cette séparation. Kant n'a pas connu le capitalisme moderne. Nous sommes plongés dans les libéralismes appelés désormais cognitifs, sur fond des développements technoscientifiques. Ce qui veut dire que le système, qu'on appelle aujourd'hui développement, investit, pénètre et s'annexe désormais jusqu'à la faculté de connaître, qui est elle-même déterminée désormais comme marchandise, force de travail marchande. Donc c'est la grande définition du post-industriel, c'est justement que la force de travail qui fait nécessairement désormais tourner le système n'est plus la force de travail dont parlait Marx, mais c'est la force de travail intellectuelle, au sens large du terme, c'est-à-dire des cerveaux. Or, première, donc, immense distinction. Dans ces conditions qui définissent, à mon sens, notre sort aujourd'hui, l'hégémonie de la structure technoscientifique ou technopolitique économique du savoir est en train de pénétrer, elle pénètre déjà à tel point les activités de l'esprit à l'université que ce que l'on tient pour l'essence de celle-ci est relégué et oublié dans l'envers d'un nouveau décor. Ces nouveaux décors, en un mot, dit ceci, que le genre humain tout entier est emporté désormais dans les déchaînements d'un nouveau principe de mobilisation totale des énergies, pour citer les mots de Jung, et cette mobilisation des énergies à plein rendement s'appelle développement. Et c'est la seule loi, au fond, qui tient aujourd'hui, dont une spécification est la valeur d'échange, l'accroissement de la performativité et donc de la compétitivité du système, qu'on appelle capitalisme libéral. À mon sens, cela est un écho avec ce qui Alain Cahier évoquait au sujet de la loi du mouvement chez Anna Arendt. La loi du mouvement aujourd'hui, c'est le développement. C'est-à-dire ce qu'on appelle recherche et développement technoscientifique, la RDTS. Or, dans cette perspective générale, les humains ne sont pas les sujets du processus dans lequel nous sommes plutôt emportés, et ni les buts. Parce que si on parle des postes humains, ça veut bien dire que la question n'est pas l'humain, c'est d'aller au-delà de l'humain. Et l'au-delà de l'humain, c'est justement le mixage de l'organique et du technique. Or, là, on retrouve un thème freudien connu, celui de la vexation que l'histoire ou le développement des sciences ne cesse d'infliger au narcissisme des humains. Copernic, Galilée, Darwin, Freud lui-même, et pour nous, Norbert Wiener. Donc, leur université elle-même, aux humains, est et doit se mettre au service de ce développement. Ce qu'elle fait en se faisant massive, mondiale et entrepreneuriale. C'est-à-dire en disparaissant, tout en gardant le nom, mais en disparaissant. Il n'est pas étonnant que nous ayons donc maintenant, le nous toujours entre guillemets, ayons maintenant le sentiment que l'université dans son fonctionnement, dans sa destination, échappe aujourd'hui au langage éthico-politique de la responsabilité. J'ai dit cependant que ce qui doit intéresser aujourd'hui la question de la responsabilité, c'est ce qui s'oublie dans l'envers du décor. Je veux dire, dans l'envers de l'université. Une dernière remarque pour compléter simplement les propos concernant les conflits de facultés, qui, que je vais laisser d'écouter par la suite, les conflits avec lesquels Kant oppose la concurrence, les luttes, les rivalités, qu'ils soient légaux ou illégaux, surgissent de plusieurs fronts. Quand il travaille au crépuscule de lumière. Ils surgissent d'abord de la frontière entre les dédains de l'université que Kant s'acharne à tracer, il a du mal à tracer entre les dédains de l'université et son dehors. Parce que son dehors, ce sont des intérêts et des forces qui poursuivent des finalités tout à fait étrangères à l'université. Mais il y a aussi les conflits internes à l'université. Et tout d'abord, les conflits entre les facultés professionnalisantes supérieures et la faculté inférieure. Et puis, même à l'intérieur de la faculté inférieure, il y a des conflits, puisqu'elle va elle-même se distinguer entre les sciences qu'il appelle historiques et les sciences rationnelles pures. Or, ces conflits, donc un fait état contre lesquels il lutte, à la fin du XVIIIe siècle, à tous les niveaux, ils ont connu un accroissement et une aggravation exponentielle entre-temps. Je vais dire deux siècles durant. J'évoque pêle-mêle brièvement, mais tout le monde est plongé dans cela. Cet accroissement et cette aggravation est lié à l'essor et à la prolifération massive des institutions de recherche non universitaires, de l'impossibilité désormais de toute dissociation du type savoir et pouvoir ou savoir et performativité, de l'ingérence progressive au sein de l'université de la masse croissante d'administrateurs, de décideurs, de cadres ministériels, de managers, de la pénétration sans limite des techniques et des technologies de la médiatisation, etc. C'est ce que j'évoquais en passant. Ce sont des responsables numériques à la Commission européenne qui nous annoncent aujourd'hui, je cite, la disparition de l'université. Or, tous ces intérêts, toutes ces forces étrangères à l'université qui envahissent le dédain, les supposés dédains de l'université, font sauter les limites, les frontières et ont raison, si j'ose dire, de l'université devenue entreprise des masses mondiales. Ici, je vais peut-être le sauter, mais si on a dans un autre contexte, j'aimerais bien y revenir. Je pense que les romans de David Lodge concernant l'université sont très éclairants par rapport à ce qu'il en est des conflits de l'université contemporaine. J'ai déjà juste un mot de ces Academic Romance au Campus Novel de Lodge. Il prend l'université en tant qu'une université mondiale et des masses. C'est-à-dire ce que Freud appelait une foule artificielle. Et dans cette université mondiale des masses, ce qu'intéresse Lodge, c'est plutôt la biographie des universitaires. Pas les universitaires en tant que tel, mais peut-être qu'il n'y en a plus. C'est-à-dire des universitaires aux prises avec les savoirs, avec la recherche et avec l'enseignement. Non, ce sont des universitaires qui se servent plutôt du savoir et de l'université des masses. En tant que, je cite un mot que je vais évoquer dans un instant, l'université des masses en tant que vache à lait plutôt que alma mater. Or, nous savons que l'université, enfin je pense que l'université n'est pas la alma mater, même si Bologne porte encore ce nom, la première université occidentale, elle n'est pas la mère nourricière des études, elle est un ventre à enfanter des doctes, des docteurs, d'où devait sortir au début des candidats à la prêtrise, au pastorat, ensuite des candidats à la bourgeoisie, et maintenant les doctes sont destinés à être des acteurs du marché. À Bologne, en 1999, le Concile des ministres européens engageant, je cite, le grand marché mondial de la connaissance à abandonner l'alma mater définitivement sous le trottoir, en la voyant elle aussi au destin prostitutionnel, comme disait Marx, qui est le destin de toutes choses désormais. Je tiens que les commentaires de Jean-Claude Milner au sujet de l'université est peut-être involontaire une très bonne glose concernant les romans académiques de David Lodge. Mais je voudrais juste citer la fin du commentaire de Jean-Claude Milner parce que il revient sur la question qui m'intéresse ici, qui est celle de la responsabilité. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est dans un langage où apparemment l'éthique et la politique, ou l'éthique l'éthico-politique, a complètement disparu. Il dit ceci, il appartient au sujet de se montrer pragmatique tout en évitant la naïveté. Par pragmatique, entendons qu'il ne faut pas ignorer l'existence de l'université des masses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre à l'écart de l'université massive. Il faut s'en servir. Donc, je continue. Il ajoute ceci. L'université n'est pas une alma mater, c'est une vache à lait. Il n'est pas obligatoire que seuls les canailles parviennent à la traire. Ne pas la croire, ne pas y croire, ne pas la servir, mais s'en servir. Tel c'est le mot d'ordre à lui. Il n'est pas interdit d'être rusé quand on est sage. La question est, que je lui posais, s'en servir, pourquoi faire? Mon hypothèse ce soir, en tout cas, c'est s'en servir pour essayer d'explorer l'envers de l'université. L'envers où se joue, où se décide, ce que je vais essayer d'exposer brièvement, là à question justement du sujet, ou plutôt de la subjectivation qu'on a un peu évoquée tout à l'heure. Donc j'essaie de désigner cette responsabilité minimale qui serait une responsabilité envers l'envers de l'université. Il y a plusieurs façons de désigner cet envers. Je les définirai ici comme le champ constitué par des formes de savoir qui ne sont pas des sciences. C'est ça, à mon sens, le point. Et ces formes de savoir qui ne sont pas des sciences, dans les actes mesures où elles demandent, pour être accessibles, une conversion du sujet, c'est-à-dire la transformation de celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer par les sujets, une modification de soi, pour qu'ils puissent accéder à la vérité. C'est cela que Michel Foucault, le tout dernier Michel Foucault, a appelé la structure des spiritualités du savoir. Mais spiritualité veut dire tout simplement que les sujets doivent faire certaines opérations sur soi afin de se rendre aptes au savoir ou de se rendre dignes de la vérité. Et c'est cette chose-là, à mon avis, qui est l'oublié et qui circonscrit l'envers de l'université. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'université, dans son apogée, c'est-à-dire au tournant du 18e et du 19e siècle, avec Pivot, la fondation de l'université de Berlin, matrice de l'université moderne, cette université-là s'identifiait au savoir, avec défini singulier, grand S. C'est-à-dire que le savoir, le déploiement du savoir n'avait d'égard ni pour les objets, ni pour les sujets. Les objets, quels qu'ils étaient, la nature pour la physique, ou les socius pour la sociologie, étaient des occasions pour que le savoir puisse lui-même progresser. Et même chose par rapport au sujet. Le sujet n'était que l'instrument du déploiement du savoir. Or, ce savoir-là, il a évidemment éclaté. Alain Caillé a un peu évoqué, il a complètement été atomisé, fragmentalisé. Ce savoir-là avait quelque chose, comportait quelque chose de très important, qui était la déqualification du sujet. Thème lacanien, la forclusion du sujet. Et on trouvait encore cela dans un contexte, bien sûr, complexe, dans les textes de Max Weber qui s'appellent « Les savants et la politique », qui fait écho au thème de ce séminaire, à moins que ce ne soit à l'inverse. Et dans ce texte de Max Weber, Max Weber met en garde les professeurs d'université qui se prennent pour des prophètes, c'est-à-dire des professeurs d'université qui se prennent pour des maîtres. Évidemment, il y en a un qui va le faire tout de suite après, qui s'appelle Martin Heidegger, dans son célèbre, tristement célèbre discours du rectorat. Mais dans cette question de Max Weber, qui est en train de réfléchir sur le savoir, il a un rappel comme quoi nous n'avons plus des maîtres et des disciples, nous n'avons que des professeurs et des étudiants. Et le professeur est lui-même accessoire. Le professeur est lui-même, en quelque sorte, dépendant du tableau, qui lui-même va être relayé par les dispositifs techniques. Et ce n'est pas plus cela qui compte, ce qui compte, c'est un savoir qui se transmet de lui-même à lui-même. C'est-à-dire impersonnel, dépersonnalisé, et où prof et étudiant sont désubjectivés. Or, ce qu'a été cette grande logique de l'identification de l'université au savoir implique un refoulement, dira plus tard Roland Barthes, une forclusion du sujet, dit Jacques Lacan. Et à mon sens, c'est cette chose-là qui a resté dans l'ombre, qui demeure dans l'ombre, qu'il s'agirait de penser, d'explorer, de réactiver, de travailler dorénavant, ce que j'appelle l'envers de l'université. Jacques Lacan notait que par l'existence de produire dans l'expérience le désir de l'analyste, la psychanalyse était plus proche de l'alchimie que de la chimie. Son opposition intéresse ici mon propos. C'est-à-dire que dans le premier cas, celui de l'alchimie, la purification spirituelle du sujet, c'est-à-dire sa transformation, était un réquisit opératoire. Tandis que les savoirs de la science, par exemple celui de la chimie, est justement séparé de toute implication de l'être du sujet sachant, que la science exclut. Donc cette exclusion, par exemple, dans une relation enseignante, qui est la chose qui m'intéresse ici, cette exclusion que dans la circulation du savoir, ni celui qui enseigne, ni l'enseigné ne soit pas affecté, transformé, modifié par le savoir, ça c'était un axiome de l'université. Or, celui-là, il continue aujourd'hui sous la nouvelle forme qui prend la relation professeur-étudiant. Ce n'est plus, bien entendu, maître et disciple, mais c'est de moins en moins professeur-étudiant, puisque dans une série de documents européens que j'ai amenés ici, on voit très bien que les mots d'ordre, justement ce qu'évoquait Michel Barthélémy, les mots d'ordre, justement les partenariats entre un prestataire de services et un client consommateur de services. Et ce qui s'échange dans ces partenariats, logique de l'entreprise bien entendu, ce qui s'échange dans ces partenariats, c'est une marchandise qu'on appelle un savoir constitué, une compétence opératoire, ou tout simplement des informations. Donc, Michel Foucault, citait justement comme exemple de persistance de savoir du type spirituel, au sens où je l'ai défini, la psychanalyse, au début de son cours, qui s'appelle Ménétique du sujet. Et il citait la psychanalyse à côté du marxisme, justement. Et là, il y aurait long à dire, me semble-t-il, de cette séquence qu'on a appelée le freudo-marxisme, qui en fait est très variée. et très diverses, mais qui impliquaient des styles d'existence. Justement parce qu'il s'agit de savoir du type impliquant les sujets parlants. Et ces relations-là, elles ont eu des implications dans des déplacements engendrés par rapport à l'institution universitaire moderne tout au long du XXe siècle. Donc, je cite quelques exemples, traversés par cette inspiration venue du savoir que j'appelle ici avec Foucault spirituel, la dite école de Francfort, l'université libre de Berlin, le centre expérimental de Vincennes avant qu'il devienne l'université de Paris 8. Ce sont des pendants institutionnels, c'est-à-dire des structures rattachées à un type de savoir, qui est ce savoir qui implique la subjectivation. Je pense que toutes ces expériences-là, au XXe siècle, elles sont allées aussi loin que possible dans la question de la responsabilité dans le cadre de ce qu'était déjà la crise de l'université. On remarquera, en revanche, l'essor qui est fait en ce moment à la psychanalyse et à son enseignement. Je pense que cela dit long aussi de notre contexte actuel. Les discours universitaires entendent venir à bout de son envers, de cet envers qui constitue précisément l'essence de l'université. À la psychanalyse et au marxisme que mentionnait Foucault, on peut ajouter la philosophie, telle qu'elle était enseignée et expérimentée par Foucault lui-même au Collège de France pendant les années 80, puisqu'il essaye de restituer la philosophie comme art réfléchi aux techniques d'existence qui doit répondre aux soucis, aux soins de soi, curasui, epimeleia outou, c'est-à-dire ce que Foucault appelle la forme la plus générale de la spiritualité. Là, on a donc une matrice et un champ général de savoir impliquant la subjectivation de ceux qui s'y engagent. Il importe de rappeler que le coup d'envoi de ces derniers Foucault est donné justement par la lecture de l'Alcibiade de Platon, ce n'est pas anodin, que Foucault engage dès les années 80. Dans un cours dont le titre résume l'enjeu général de ce que j'essaye de vous parler ici et qui est subjectivité et vérité. Or, c'est autour de la question de l'accès d'Alcibiade à un certain rapport de soi à soi, c'est-à-dire autour de la question de l'initiation d'Alcibiade par Socrate, qui s'engage la dernière responsabilité envers la question de la subjectivation. Et c'est précisément sur ce terrain-là qu'on assiste à une rencontre, qui est la rencontre pendant les années 60 à 80 en France, la rencontre entre la philosophie de Foucault, la psychanalyse de Lacan et la sémiologie littéraire de Roland Barthes, dans un sens très particulier que Roland Barthes donne à ces mots de sémiologie, en faisant pièce à l'institution qu'est le Collège de France, et en définissant la sémiologie comme art d'écouter les nuances. Et les nuances étant justement ce d'après quoi je dois essayer de vivre, donc implication éthique directe. La littérature, c'est la maîtresse des nuances. Si je fais de la littérature, ce n'est pas pour passer un concours, c'est pour voir dans une assaise qui est celle de l'écoute des nuances, trouver un guide de vie, dit Roland Barthes. Tout cet ensemble-là, psychanalyse, sémiologie, littéraire dans ce sens-là, et philosophie, constitue un certain noyau des humanités contemporaines. Donc, on joindra à la liste ouverte par Foucault les savoirs de type spirituel qui professe Roland Barthes dans les dernières années de son cours au Collège de France. L'important ici, c'est que ce sont là des formes de savoir et donc d'enseignement qui toutes engagent un procès de formation ou de transformation du sujet. C'est donc il n'est plus question, même chez les universitaires critiques de l'université aujourd'hui. il n'est plus question de cela, puisque on a réussi à d'une part distinguer l'enseignement de la recherche, signifier aux universitaires que leur carrière se joue sous la base de la recherche et pas sous la base de l'enseignement, et que quand on parle d'enseignement, même si on veut le défendre, on le traite comme transmission. Alors que dans le contexte que j'essaie d'évoquer ici, l'enseignement n'est pas une transmission, c'est que c'est encore de la reproduction d'un savoir constitué. L'enseignement est posé comme initiation. Tout le travail, en particulier de Barthes et de Lacan, mais on pourrait le montrer aussi du dernier Foucault, est axé sur cette idée que l'enjeu est celui de l'initiation. Et initiation, ça veut dire amener l'autre et soi à réviser la façon dont on vit. Donc ces formes dessinent, et c'était ce que je voudrais présenter ici, elles dessinent l'envers de l'université dans la mesure où le discours dominant de celle-ci, c'est-à-dire le discours universitaire, demeure celui de la science. Serait-elle éclatée désormais, indissociable de la technique et tendant à être réduite à l'office du marché. Le discours universitaire n'aura jamais eu que faire de la question du sujet et de la subjectivation et de la problématique des opérations que le sujet doit faire sur lui-même pour accéder à la vérité. On pourrait suivre au 19e et au 20e siècle une série de plantes là-dessus. Il y a une plante magnifique que je ne peux pas évoquer ici, qui est la plante de Faust de Goethe, lorsqu'il dit sa déception à l'égard des savoirs scientifiques modernes et sa tentation justement à l'égard de tout ce qui concerne les savoirs qui engagent la transformation du sujet. De Faust jusqu'au Wittgenstein, pardon, des années 30, à Cambridge, on trouve une série de plantes sur cette université qui a oublié cette question de la subjectivation. Donc je dirais que la responsabilité envers l'université, elle est une responsabilité envers ce que je nomme l'envers de l'université, parce que l'essence de celle-ci, les humanités, que je circonscris ici, devient la cible centrale, ne cesse que pas, oublie la cible centrale de l'offensive libérale. Tandis que son envers, il aura persisté, en tout cas, à travers les recherches et les enseignements de la direction d'existence au sens de Foucault, de la relation analytique au sens de Lacan et de la relation d'initiation au sens de Roland Barthes. C'était les trois penseurs et enseignants français des années 60, des années 80 que j'avais pris comme objet de cours ici même à l'école de hautes études. Et c'est frappant de voir que se dessine là quelque chose que j'appellerais une figure de l'anti-universitaire. L'anti-universitaire, c'est, vous savez, un épithète qu'on a appliqué à Lacan, le directeur de l'école normale supérieure a appliqué à Lacan lorsqu'il a renvoyé Lacan de l'école normale supérieure. Mais quand on voit les points de convergence entre la problématique lacanienne, celle foucauldienne et celle barthésienne, je pense que ça, c'est intéressant de revendiquer plutôt cette figure de l'anti-universitaire comme étant justement celui qui essaie de se loger dans l'envers de l'université. C'est là, si vous voulez, je suis parfaitement conscient que je suis aux antipodes de certaines choses qui ont été dites ici, mais il se trouve que c'est comme ça. C'est là, à mon sens, qui se joue quelque chose qui est de l'ordre de ce que Foucault, dans l'hermeneutique du sujet, avait nommé la résistance ultime. La résistance ultime face au pouvoir contemporain, qui est justement essayer de rétablir un rapport de soi à soi, essayer de mener ceux qui travaillent avec vous, de renouer cette relation de soi à soi. je m'inscris dans cette problématique-là. Or, ces formes de spiritualité, avec leurs enjeux, sont les seules, à mon sens, à même de rouvrir la question qui est la question fort close par excellence aujourd'hui, la question de savoir que faire de soi-même et de sa vie. Vous savez qu'on n'a plus le temps de poser cette question, ni les enfants n'ont plus le temps, puisque Microsoft vient de dire qu'il y a un marché qui n'avait pas encore été exploité, et qui était le marché de la crèche, et qu'il faut donc qu'on apprenne à pianoter très tôt, c'est-à-dire à accepter les réponses du système. Donc il y a une question qui est fort close, c'est celle qui est faire de soi-même et de sa vie, c'est-à-dire des questions anciennes mais toujours actuelles, c'est-à-dire comment faut-il vivre et pourquoi. Vous savez que André Malraux disait notre système est un notre dispositif technoscientifique et capitaliste, c'est le système le plus puissant que l'humanité a pu réussir à mettre au point. Et ce système sous-puissant est incapable de répondre qu'est-ce que c'est que l'homme, à quoi je donne ma vie, quelle est la signification de l'humain, à quoi doit-il être destiné. Eh bien, ce sont ces questions-là, je pense qu'on pourrait rouvrir, qu'on peut rouvrir à partir de cette problématique du savoir que j'appelle spirituel. Pour conclure, je voudrais juste évoquer un mot. Vous savez qu'il y a un mot qu'on attribue à Erasme, dont on a fait une sorte de formule de la mission de l'université. Et c'était homo fit, non nachi, qu'on traduit par on n'est pas homme, on n'est pas humain, on les devient. C'est donc inutile la formule de la mission de l'université. Moi-même, il m'est arrivé d'écrire et de citer cette phrase. J'ai appris après par les historiens que peut-être que ce mot sous cette forme-là n'est pas un mot d'Erasme lui-même. Je suis allé regarder des Puellis Instituendis, c'est l'éducation des enfants d'Erasme, et en fait, on lit c'est autre chose. On lit ceci: Homines mihi crede, non nascuntur, sed definguntur. Les hommes, croyez-moi, ne sont pas nés hommes, mais ils sont façonnés. Il y a une traduction anglaise qui dit « fashioned ». Je trouve que c'est encore mieux que la vulgate erasmienne. Ça veut dire qu'on passe du verbe « facere » au verbe « fingere », c'est-à-dire façonner, modeler, et j'ajouterais, pour revenir à la question qui a été évoquée tout à l'heure, « fictionner ». Je pense que c'est ça l'horizon. S'ouvrir à la fiction et la fiction de soi. C'est en tout cas ce qui indiquera Foucault à la fin de sa vie. Or, si les hommes ne naissent pas hommes, mais il faut élaborer, leur donner une forme, c'est qu'il faut donc qu'ils puissent construire la forme qu'il convient de donner à sa conduite et sa vie. Et ça serait l'élaboration comme mission de l'université ou comme responsabilité de l'université à l'égard de ce façonnement-là. En amont, le mot d'Erasme rejoint les motifs antiques qu'on retrouve chez Plutarque, de l'éthopoiesis, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer son éthos, il faut produire ou transformer sa manière d'être. Donc, à nouveau, il faut opérer un travail sur soi, transformer un dire vrai, aletheia, un ethos, une vérité, une manière d'être. Et c'est bien ce caractère donc éthopoétique qui définit la structure des spiritualités du savoir dont je vous ai parlé. Donc, c'est lui, par conséquent, qui serait au centre des humanités, essence de l'université, mais à l'envers ou dans l'envers de l'université. Et ce mot d'Erasme vaut aussi en aval. Je vais dire qu'on retrouvera cela dans les leitmotifs de la Bildung, bien entendu, jusque dans le dernier mot de la pensée foucauldienne, qui est celui d'une esthétique de l'existence. C'est-à-dire que ce dont il s'agit, au fond, à une pédagogie, ou plutôt une psychagogie digne de ce nom, c'est d'aider chacun à essayer de faire de sa vie une œuvre d'art. Ça, c'est l'horizon qu'il pointe. Mais cet horizon va avec aussi les derniers mots de Foucault dans un cours qui s'appelle Courage de la vérité, un peu avant de mourir, où Foucault dit ceci: n'oubliez pas d'inventer votre vie. Inventer votre vie. Mais inventer, c'est justement finger, dont parle Erasme, finger votre vie, c'est-à-dire la fictionner. Bon, je pense qu'il est prudent et de bon sens de m'interrompre là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à là. Reste pour moi à poser cette question d'envers de l'université comme une façon de parler autrement de la question de la responsabilité à l'égard de l'université, si responsabilité il y en a encore.